la méfrico, t'es OG. Rabayou calon bangal. Calon bangal. Bad boy nini. Will bad gal mais fréquenté OG. Qui toujours gagne son physique. Bouka pété bal rabayou calon bangal. Y'a qui Willy OG. Will bad gal mais fréquenté OG. Qui toujours gagne son physique. Bouka pété bal rabayou calon bangal. Y'a qui Willy OG. Bal ka pété pour un maïs cyclone. Donc en moins fait, yo fin sorti la jol. Ou t'es mauvais côté là, on pas trappé bol. Pas même des secondes, bitch, on change physique et bol. Fresh l'eau sorti, oh a dream gold. Gros kishta, c'est femme à vin folle. Si yo palé ou de camembert, font ça va pas cheese. C'est clair à machine là, ça qu'on photo fort du cheese. Oui, oui, le bad gal, mais fréquenté OG. Qui toujours gagne son physique. Bouk a pété bal ka bayou kalan bangal. Y'a qui Willy OG. Caraïbes là, y'a mes machés pirates. Pour la remplir, plein stigmate. Fout ton témac, ça fait miracle. Pas bisé en l'eau, pour nani, pédi la. Will bad gal, mais fréquenté OG. Qui toujours gagne son physique. Bouka pété bal, kabayou kal en bangal. Y'a qui Willy OG. Will bad gal, mais fréquenté OG. Qui toujours gagne son physique. Bouka pété bal, kabayou kal en bangal. Y'a qui Willy OG. Fréquenté OG.